sur nos rendez-vous manqués. Ok, on passe la gomme à souvenir, soupir, d'avoir échappé au pire, d'avoir payé nos rêves, rêves au bas filet qui vint me voir. Tant des autres sont restés ok, ou contre les vents amers, et se sont perdus en mer, ramassés sur la grève, rêve.